voix du serpent trouble la paix. Le doute glisse dans le jardin. Ce qui était clair devient flou. Devant le fruit défendu dans la main, le choix se pose entre la confiance et le désir de devenir comme toi. Et le cœur bascule dans la peur quand il s'éloigne de ta voix. La douleur.